Pour relancer la conversation en lien avec l'éducation, une des questions que je voulais te poser, c'était de savoir, par rapport à l'ère actuelle de mondialisation, des programmes comme le PEI qu'ont certains élèves, donc le programme d'éducation enrichie où les élèves vont apprendre trois langues, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'espagnol au Québec, pour composer avec un contexte de plus en plus multilangue, là, un contexte lié à la mondialisation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben déjà là, je trouve ça bizarre. Le français, je pensais que ça faisait déjà partie du programme. Donc, pourquoi le mettre avec comme s'il faisait partie de langue seconde? Non, en fait, je ne me suis pas exprimé clairement. En fait, OK. l'anglais va être enrichi, puis on va rajouter de l'espagnol aussi. Ben, ça s'en va vers ce qu'on appelle la zone 1. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, on est censé à un moment donné, ils vont possiblement. Si tu regardes là, le club de Rome, puis le CFA, puis ces structures-là, eux, ils considèrent qu'un jour, il va falloir fusionner le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, que les gens parlent français, anglais et espagnol, ça va de soi. En tout cas, pour le Québec, parce que je pense pas. Ils vont pas faire de programme pour apprendre le français au Mexique, puis aux États-Unis. On a perdu. On est les premiers à être arrivés dans le continent au nord, mais on a perdu. Fait que c'est une assimilation tranquille, là, lente. Mais c'est pas. Je vois ça comme moyen, là. Ça va être les langues officielles du continent d'Amérique centrale puis d'Amérique du Nord, là, l'anglais puis l'espagnol. Déjà aux États-Unis, il y a plus de gens, je pense, qui parlent espagnol qu'anglais. Je suis pas mal certain que ce qu'on pourrait appeler l'élite aux États-Unis va rester anglophone. Mais que de plus en plus la masse de travailleurs pauvres, on parle même pas de classe moyenne, là. On va parler d'une classe de travailleurs pauvres massive, vont parler de plus en plus espagnol.